Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gemozo 107FM. Nous sommes le lundi 15 mars 2021, il est un peu plus de 14h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Gemozo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle rapidement le principe, il est très simple, chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi, je reçois un ou une invitée pour qu'il ou elle puisse nous parler de ce qu'il ou elle fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Lisbonne, chanteur, musicien, auteur, compositeur et arrangeur, qui est là pour nous parler de sa carrière et de son EP, sorti le 5 mars dernier, il y a donc à peine 10 jours. Bonjour Lisbonne. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, très bien. Comme un lundi, comme on dit. Eh oui. Tout d'abord, nos auditrices et nos auditeurs le savent, j'aime beaucoup poser cette question au début afin qu'ils et elles puissent déjà vous connaître un petit peu. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, âge 36 ans, prénom Benoît, pseudo Lisbonne, musicien, comme vous l'avez dit, auteur, compositeur et arrangeur. D'accord, clair, concis, parfait. Voilà, vous m'avez dit d'être concis, je suis. Donc comme annoncé en introduction, nous sommes ici aujourd'hui pour parler entre autres de votre EP. Donc EP qui s'intitule Lisbonne également, c'est bien ça? Tout à fait, oui, c'est un éponyme. Voilà, donc cet EP, est-ce votre premier projet musical ou en avez-vous d'autres à votre discographie? Alors c'est mon deuxième projet musical, j'en ai eu un il y a une quinzaine d'années maintenant, qui s'appelait Brazou, qui était un projet de chansons en français aussi. Et Lisbonne est effectivement mon second, avec un premier EP, comme vous l'avez dit, donc éponyme, qui est sorti le 5 mars dernier. D'accord. Donc, comme annoncé en introduction, vous êtes chanteur, musicien, auteur, compositeur et arrangeur. Donc, pourquoi avoir fait le choix d'être tout ça à la fois? Alors, c'est absolument pas un choix. Je crois que c'est ça s'inscrit un peu dans la logique des choses. J'ai commencé, moi, la musique assez jeune par le saxophone. D'accord. Donc, j'ai appartenu à plusieurs groupes de jazz à l'époque, forcément, du fait de cet instrument-là. Et puis, en parallèle, je faisais de la chanson. Enfin, j'écrivais des textes. Je gratouillais un peu la guitare de mon père qui traînait dans le salon. Donc j'ai toujours touché un peu à tous les instruments. Donc c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire le texte et la musique, très rapidement j'ai voulu les arranger, donc trouver les ornements qui me semblaient les plus adaptés et les plus beaux possibles. Donc c'est vraiment ça s'inscrit dans la logique de ma démarche de musicien, quoi, je dirais. D'accord. Donc vous l'avez dit, vous pratiquez la musique depuis assez jeune. Depuis quand exactement? Ça fait combien de temps que vous pratiquez la musique? Alors moi j'ai eu le déclic de la musique au collège. D'accord. Avec la flûte à bec. Je pense qu'on est deux en France à l'avoir eu, donc suffisamment rare pour le mentionner. D'accord. Donc voilà, je sais pas pourquoi, j'ai aimé souffler dans un instrument, je crois que ça s'est arrêté là. Et donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le saxophone, qui avait un son quand même un peu plus harmonieux que la flûte à bec. Mm-hmm. Le saxophone, j'ai commencé à 12 ans, quoi. Voilà, à 12 ans. Et puis je n'ai jamais arrêté depuis là à faire de la musique, quoi. D'accord. Donc oui, à 12 ans, on est encore au collège, il me semble. Donc est-ce que vous avez fait ensuite des études dans l'univers musical ou pas du tout? Alors j'ai fait j'étais inscrit dans une école de musique, l'école de musique de mon village, tout simplement, à côté de Montpellier. D'accord. Ensuite j'ai fait une école de jazz à Montpellier aussi, qui s'appelle le JAM. Et ensuite j'ai fait surtout la fac, une fac d'espagnol, qui n'a absolument rien à voir avec la musique. Quoique c'est une langue musicale, mais c'est vrai. Voilà, je m'orientais plus pour faire professeur d'espagnol, professeur de français en Espagne. Enfin, c'était l'objectif à l'époque, qui s'est très très vite annulé, et j'ai décidé à ce moment-là de ne faire que de la musique de ma vie. D'accord. Donc là, tout ce qui est chanteur, donc chanteur, musicien, auteur, compositeur, arrangeur, c'est votre métier actuellement, du coup? Tout à fait. Oui, oui. Non, je ne fais plus que ça depuis ça, c'est-à-dire depuis 19 ans, quoi, 20 ans. Ok, oui, donc c'était une véritable vocation depuis que vous êtes au collège, en fait. Absolument, ouais, je n'ai jamais arrêté de réfléchir à la musique et d'en pratiquer. Ok, Donc, il est 14h07. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans un premier morceau tiré d'ailleurs de votre EP, et que nous écoutions l'extrait, donc le son, le titre intitulé Michel, chanson numéro 5 de votre EP. Donc, est-ce que ça vous va qu'on écoute ça ? Absolument, allons-y. Super. Avec plaisir. Alors, on écoute ça et on se retrouve juste après, du coup, Michel, tiré de votre EP intitulé Lisbonne. Donc, à tout de suite. Retour sur Radio Guémozo. Vous nous écoutez donc sur. Vous êtes toujours en direct sur le 107FM, il est 14h10, ou vous nous écoutez sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter du coup Lisbonne et son titre tiré de son dernier EP en date intitulé Lisbonne, chanson intitulée Michel. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route. Si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Et du coup, nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Lisbonne, justement, qui est venu nous parler de son tout nouvel EP, pardon, et de sa carrière musicale. Ça va toujours ? Tout à fait, toujours. Nickel. Donc, concernant la pause musicale que nous venons d'écouter, pourquoi l'avoir intitulée Michel ? Est-ce un hommage à quelqu'un ? Absolument. Elle s'appelle Michel parce que c'était le prénom que portait donc mon meilleur ami qui est hélas disparu il y a 5 ans maintenant. Ah, d'accord. Donc c'était une chanson pour lui rendre hommage, mettre un peu de poésie sur la douleur et le deuil, mais c'est euh, voilà, c'est hyper important de, d'en parler aussi, et de façon plus légère, en tout cas soulagée et libérée. D'accord, ok. Donc, en faisant mes recherches en amont de cette émission, j'ai lu donc que la musique a non seulement toujours fait partie de votre vie, mais également que la musique a toujours fait partie de votre famille. Absolument. Oui, mon père était guitariste et ma mère chanteuse, donc forcément j'ai baigné dans la musique depuis tout petit. Donc voilà, après je n'ai pas eu forcément l'envie et l'objectif de que ça devienne ma profession très tôt, mais voilà, ça a infusé au fil des années et puis ça l'est devenu au final, quoi. D'accord. Donc, dans votre carrière, vous avez déjà pris part à différents festivals, comme par exemple Alors Chante en 2009, ou encore Francofolie de SPA ou SPA, et le Montreux Jazz Festival, et bien d'autres festivals, donc entre 2010 et 2011. Comment ça s'est passé? Est-ce vous qui avez directement contacté les organisateurs de ces festivals, ou est-ce que ce sont eux qui vous ont contacté, qui sont venus vers vous? Alors, concernant le festival Alors Chante, c'est moi qui les avais démarchés, c'est-à-dire que j'avais tout simplement déposé un dossier de candidature, et ils m'avaient donc rappelé et sélectionné. Et c'est grâce à ça que j'ai obtenu d'autres programmations dans les festivals dont vous avez parlé, les Francofolies de Spa ou Jazz Montre Festival. Ça a vraiment découlé du festival Alors Chante à Montauban. Ouais, ça a été ça le catalyseur un peu. D'accord. Et du coup, à cette époque, vous viviez déjà de votre musique ou pas du tout? En tout cas, je ne faisais que ça. Je vivais à Bruxelles, en Belgique à l'époque. Et effectivement, je ne faisais que ça. Donc je me serrais la ceinture parfois à la fin du mois, parfois même au début. D'accord. Et au milieu. Mais voilà, quand la passion nous anime, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. Donc je n'en regrette absolument pas, cette période. C'est vrai, c'est un beau message. Donc, ces expériences, donc tous ces festivals, tout ça, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'aviez-vous ressenti quand vous étiez sur scène devant des spectateurs? Une joie immense de pouvoir partager ces chansons. C'est-à-dire que c'est vrai que les chansons, en règle générale, naissent sous nos doigts dans notre chambre ou dans notre salon. Donc, de pouvoir les interpréter et les partager avec des personnes réelles et à quelques mètres de nous, c'est toujours l'objectif, et donc forcément un plaisir immense. Ouais. D'accord. Ouais, donc malheureusement, enfin actuellement avec la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous, ça doit être un petit peu compliqué pour vous pour pouvoir vous produire, non? Effectivement, oui, ça, c'est vrai que cette alchimie-là, on l'a pas pour l'instant, mais y a d'autres choses à faire aussi en attendant, en espérant bien sûr que ça se rétablisse quand même rapidement, parce que là, ça va faire un an, donc ça démange beaucoup. Mais là, en ce moment, je me consacre justement à l'enregistrement et même à l'écriture de nouvelles chansons pour le futur album qui arrive. Donc, on essaie de mettre ce temps-là à profit. Et puis surtout de rester optimiste. Donc, dans cet album qui arrive, est-ce qu'on retrouvera les titres qui sont présents dans votre EP, ou c'est des titres complètement différents, complètement inédits? J'ai pas entendu votre question, pardon. Je disais, dans l'album qui va arriver incessamment sous peu, est-ce qu'on va retrouver les titres de votre EP à l'intérieur, ou est-ce que ce sont des titres complètement inédits? Alors, il y aura une majorité de titres inédits, évidemment, mais c'est pas impossible qu'on en conserve peut-être deux ou trois du EP, six titres qui sortent, oui. Ouais. D'accord, ok. Donc, avant de pouvoir pratiquer votre musique, de pouvoir ne faire que ça, et de pouvoir la pratiquer lors de ces festivals ou pour le public, vous aviez enchaîné plein de petits boulots. Donc, faire ce petit boulot, est-ce que c'était le temps d'avoir assez de finances pour avancer dans vos projets musicaux? Oui, c'était l'idée, c'est-à-dire ça me permettait, moi, de financer par exemple des sessions d'enregistrement, de financer des clips, ça fait partie de ces travaux alimentaires, mais par lesquels il faut parfois passer, justement. Donc je ne regrette pas du tout, c'était plutôt une bonne période. Disons que ça nous permet de renforcer un peu comme ça notre passion et notre ambition. Donc maintenant, si on sait vers quoi on veut aller, on garde bien notre objectif en tête, c'est moins douloureux, même si c'était pas forcément des, comme vous l'imaginez, des métiers très très agréables et très faciles, mais non, c'était il fallait passer par là, et je l'ai fait, et j'en suis vraiment ravi. Oui, donc il faut garder vraiment son... Ça peut être un conseil qu'on peut donner à nos auditeurs et nos auditrices. Si on a un projet, il faut vraiment le garder en tête et tout faire pour pouvoir l'atteindre, peu importe le temps que ça prendra. Absolument. Oui, il faut être patient et persévérant et beaucoup travailler, surtout. Oui, le travail. Donc, en 2015, donc il y a 6 ans, avec un de vos amis, donc Rome Castera, vous avez décidé de revisiter une grande légende de la chanson française, Serge Gainsbourg, avec un nouveau projet intitulé Les Frères Gainsbourg, ou Gainsbourg, je ne sais pas comment vous le prononcez. Oui, Gainsbourg, j'ai proposé. C'est le premier nom, enfin c'est le vrai nom de Gainsbourg, qui s'appelait Lucien Gainsbourg, donc on voulait reprendre son nom civil. Ouais. Ok, donc pourquoi avoir fait le choix de revisiter ce grand chanteur qu'est Serge Gainsbourg? Parce que on va dire que la matière était pas trop dégueulasse, quoi, pour reprendre son expression à lui. Non, il y avait effectivement beaucoup de matière à prendre, à malaxer, à revisiter et à réingurgiter. Donc c'était hyper agréable, et l'idée était, avec ce projet, de balayer un peu toutes les périodes de Gainsbourg, donc des années 60 aux années 90, et en leur amenant une patte bien à nous, un peu rock d'ailleurs, c'était assez rock'n'roll ce projet-là. Et puis de pas prendre les grands tubes qu'on connaissait de lui, c'était aussi l'idée de faire découvrir aux gens qui connaissaient pas forcément tout Gainsbourg, leur faire découvrir des petites pépites, des inédits ou autres. D'accord, oui, donc c'est vraiment des covers, comme on dit dans le monde de la musique. Exactement. Mais à votre sauce, du coup. Tout à fait, oui. D'ailleurs, est-ce que vous collaborez toujours avec Rome Castera en ce moment ou pas? Non, alors la dernière collaboration date effectivement de ce projet-là. D'accord. Après, c'est un ami, donc forcément, on discute de nos projets respectifs. Il a le sien aussi, un projet de chanson en anglais. Donc okay. On partage ça, on se donne nos avis sur les projets de chacun et on échange évidemment. Ouais. Ok. Donc avant de nous lancer dans une deuxième fréquence, je tenais à passer un petit coucou et à remercier du coup Charlotte de VSCOM, car c'est grâce à elle que nous sommes entrés en contact. Mais elle n'est pas très loin de moi, mais il y a une porte qui nous sépare, mais je lui transmets. Voilà. Donc je la salue, merci à Charlotte de nous avoir mis en contact. Et puis du coup, on attend le retour pour le partenariat avec VSCOM. Du coup, avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une deuxième fréquence, dans un deuxième titre tiré de votre EP, et que nous écoutions Un loup pour l'homme, morceau, si je me suis bien renseigné, numéro 1 de votre EP. Tout à fait. Donc est-ce que ça vous va qu'on écoute Un loup pour l'homme? Absolument, avec plaisir. Alors, on écoute ça et on se retrouve juste après, d'ici 3 minutes 40 à peu près. Donc, à tout de suite, après Un loup pour l'homme. Allons-y de toi, mon garçon. Je pleure ma vie, la maison perdue. Madame est partie et le chien n'est plus. Sans doute le coup du destin, mon cul. De toi, mon enfant, j'ai peur. J'ai peur de la pluie, j'ai peur de la nuit et du vent. Bestial. Quelqu'un de toi, mon ami. Je meurs, je meurs, je meurs. Je meurs de faim, oui, je meurs de froid et d'ennui. Sur Radio Guémozo, vous venez d'écouter. Mince, pardon, petit problème technique, je vais arranger ça tout de suite. Du coup, voilà, excusez-nous pour ce problème technique, ce sont les aléas du direct. Donc, du coup, je disais que vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter Un loup pour l'homme de Lisbonne, tiré de son EP éponyme, sorti il y a à peine 10 jours, le 5 mars dernier. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Lisbonne, justement, qui est venu nous parler de son EP et de sa carrière. Ça va toujours ? Très bien, tout à fait. Nickel. Très bien. Donc, on va continuer cette émission sous la grisaille, les nuages et la pluie dans le Grand Est. Et quel temps fait-il où vous êtes ? Est-ce qu'il fait beau ou pas ? Parce que nous, ici au Grand Est... Alors, moi j'étais à Montpellier ce matin, il faisait un grand soleil. D'accord. Et je viens, donc là je suis à Paris pour un peu de promo et d'autres interviews, et j'ai pris la pluie tout simplement, donc j'étais en t-shirt ce matin. Ah. Oui. Donc ça a été un peu un changement comme on n'aime pas beaucoup quand on est sudiste. D'accord, ouais, c'est... j'imagine bien. Voilà. Donc, même question que pour la première fréquence, quel est le message ou quels sont les messages que vous vouliez faire passer dans votre titre Un loup pour l'homme ? Alors, je ne sais pas vraiment si je voulais faire passer un message, mais c'était plus un coup de projecteur que je voulais donner sur cette injustice-là, qui est la précarité sociale. Donc, voilà, une espèce de cannibalisme social dont l'homme fait parfois preuve. J'ai l'impression que voilà, qu'on savait pas vraiment trop comment se comporter face à ces gens qui vivent dans la rue, moi le premier d'ailleurs, je trouve que c'est assez difficile de savoir si on doit les considérer, leur donner une pièce, pas leur donner une pièce, leur donner un sandwich, enfin tous ces gens, personnes dites invisibles qui sont avec le confinement de plus en plus visibles. Donc ouais, c'était histoire de mettre un coup de projecteur après de là à parler de messages. Je voulais simplement, moi, écrire une chanson sur un sujet qui me touchait. Mais je crois que ça s'arrête là, pour ma part. D'accord. Est-ce que, justement, vous aviez une volonté, entre guillemets, de dénoncer les inégalités sociales ? Alors, pareil, c'est pas vraiment l'idée, c'est pas vraiment de dénoncer, c'était de mettre en lumière ce fait-là, social. Mais ma démarche, elle est purement, purement artistique. C'est-à-dire que après, si ça peut donner une impulsion et permettre de voir de plus en plus ces injustices et qu'elles soient résolues au fil du temps, j'en serais ravi, mais c'est vraiment plus artistique comme démarche que sociale, sinon je ne ferais pas ce métier-là, je travaillerais, je ferais des maraudes et tout ça, mais malheureusement, ce n'est pas mon cas encore. D'accord, ok. Donc, en écoutant vos titres et donc votre EP en amont de cette émission, j'ai constaté, et je ne suis pas le seul à le penser d'ailleurs, dans les locaux de Radio Guémozo, nous le pensons presque tous, nous avons constaté une certaine ressemblance dans la voix avec le chanteur Julien Doré. On vous l'a déjà dit ou pas ? Alors, on me l'a souvent dit. Bon, écoutez, je prends. En tout cas, j'aimerais, je me souhaite tout son succès. Je pense que c'est dans le timbre de voix, dans le timbre ou dans le registre. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de souffle chez lui, mais je me trompe peut-être. En tout cas, vous n'êtes pas les premiers à le penser, donc c'est que forcément, il doit avoir à un endroit ou à un autre une similitude. D'accord. Est-ce que ça vous fait quelque chose en particulier d'être comparé justement à Julien Doré, qui est quand même un chanteur français avec une certaine renommée? Bah, c'est toujours agréable d'être comparé à quelqu'un qui a du succès, donc je le prends comme un compliment. Non, c'est que répondre à ça. Oui, je préfère ça que déjà être comparé à quelqu'un que je n'apprécie pas, ou un chanteur mort, ce qui n'est pas son cas. Oui, c'est sûr. Dans les deux cas. D'accord, bah en tout cas, on vous souhaite tout le succès de Julien Doré, le même. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Donc, pour votre musique, quelle est votre inspiration ou quelles sont vos inspirations? Comme je le disais sur la question précédente, ce sont vraiment j'écris sur des sujets qui, évidemment, me touchent, me bouleversent en tant qu'individu. Donc, ça peut être, pour un ou pour l'homme, c'était la précarité sociale. Pour Michel, c'est évidemment le deuil, la disparition d'un proche. Ça peut être des chansons romantiques. Enfin, c'est... que vraiment je me nourris de ce que je vis au quotidien, et puis aussi parfois je peux être amené à écrire un peu sur de la fiction. J'aime bien de plus en plus imaginer des histoires comme ça, desquelles j'ai pas forcément fait partie, donc je suis plus spectateur qu'acteur, mais m'imprégner de ça et puis me laisser aller avec des imageries poétiques, ça j'aime beaucoup faire, oui. D'accord. D'ailleurs, dans votre pays, il y a même, vous reprenez même une chanson célèbre de Désirless, Voyage, Voyage. Tout à fait. Que ma collègue Lia a passé ce midi dans une de ses émissions. Donc, au moins, nos auditeurs et nos auditrices ne pourront pas dire qu'ils n'ont jamais entendu Lisbonne, car voilà, ça fait quand même plusieurs morceaux. Donc, justement, en reprenant ce titre de Désirless, Voyage, Voyage, vous vouliez parler, pareil, de la liberté, de ce besoin de liberté, ou pas? Non, honnêtement, quand j'ai repris cette chanson, c'était surtout pour m'amuser, c'est-à-dire un peu enlever les habits un peu kitsch de ces années-là et la revêtir moi-même avec des habits un peu plus modernes et plus contemporains. Parce que voilà, c'est une chanson qui me touche particulièrement, étant donné qu'elle est née comme moi au milieu des années 80, donc c'est une chanson avec laquelle j'ai grandi quelque part. Donc un peu une sorte de Madeleine de Proust musicale. Mmh. Et puis ouais, je trouve que c'est une grande chanson, mais voilà, malgré les ornements, les arrangements un peu datés, j'avais l'impression qu'on passait un peu à côté du texte et de la mélodie, qui sont pour le coup les deux excellentes. Donc voilà, j'avais envie de remettre un peu en avant, même s'il n'avait pas besoin de moi, mais cette chanson-là qui est vraiment un bijou, je trouve, de la chanson française, vraiment. C'est vrai. Durant votre vie, vous avez incarné et intégré différentes formations locales et musicales, comme le jazz, le hip-hop, la world, la pop, l'afrobeat, etc. Donc, de votre EP sorti le 5 mars dernier, souhaitiez-vous faire ressortir ces différents styles musicaux? Alors, je pense pas qu'il y ait honnêtement ni du jazz ni du hip-hop. Ce dont j'avais à cœur avec ce nouvel EP, ce premier d'ailleurs, c'était arriver avec un projet de chanson en français, moderne, avec vraiment axé sur la voix et la mélodie, et le texte surtout. Donc je pense que je m'efforce d'être le plus pop possible, avec vraiment sans aucune péjoration, si ce mot existe, je ne suis pas sûr. Mais l'idée était d'être le plus concis possible, le plus pop. Mais jazz, non, je pense que j'ai quitté ce monde-là, même si j'en écoute encore, mais c'est plus du tout une musique que je joue, en tout cas. D'accord. Donc vraiment, le style pop, c'est vraiment le style de musique que vous préférez pratiquer? Je crois, ouais, j'aime beaucoup, en tout cas, j'en écoute beaucoup et j'aime ce format-là. Assez limpide, assez précis, c'est un format que j'affectionne particulièrement. D'accord. Vous avez également eu, ça j'ai aussi remarqué en faisant mes recherches, vous avez également déjà eu plusieurs avis de célèbres magazines. On peut peut-être citer quelques-uns de ces avis, si vous êtes d'accord? Oui, si vous voulez. Donc il y a le mensuel Tsugi qui a dit à propos de vous: élégant, et inspiré, poétique et lyrique pour le journal Libération, ou encore élégant et mystérieux du bimensuel Rolling Stone, qui est un bimensuel quand même qui a un certain poids, une certaine renommée dans le monde de la musique. Donc ce sont quand même trois grands titres du coup dans le monde de l'actualité, que ce soit musical ou non. Donc qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ces avis plus que positifs de ces différents magazines? Je crois que la première réponse, c'est que ça fait plaisir, évidemment. On va pas se mentir. Et puis surtout, au-delà de flatter l'ego, ça dure 1 minute 30. Ça pousse à aller de l'avant, à continuer, à faire de plus en plus de choses, à sortir un album très prochainement. Enfin, ça encourage et permet un peu de maintenir le cap quand on a des moments un peu plus difficiles, notamment avec cette période. C'est vrai que c'est encourageant d'avoir ces retours-là, bien sûr. D'accord. Pareil, dans les documents que j'ai reçus et sur lesquels je me suis appuyé pour faire, du coup, préparer mes questions, il y avait un document qui parlait de votre biographie. Donc, c'est dedans, bien sûr, il y a votre vrai nom. Donc, est-ce que ça vous dérange qu'on le cite ou pas, votre vrai nom complet? Pas du tout, non. Ok. Donc, vous vous appelez, du coup, Benoît Jalabert Terre. Voilà. Mais j'avais envie de m'intéresser un petit peu à l'étymologie de votre nom de famille, qui signifie, du coup, c'est marqué dans le document que j'ai sous les yeux, chanter et illustre. Donc ça, c'est à propos pour le Jalabert, je crois. Donc on pourrait dire illustre chanteur. Donc ma question va peut-être être un petit peu tirée par les cheveux, mais est-ce d'après vous un signe, entre guillemets? Un signe, je sais pas, mais en tout cas... Oui, j'ai toujours vu ça comme une sorte de prédéterminisme patronymique. C'est vrai que c'était un peu écrit, en tout cas, à l'avance. Mm-hmm. Donc, est-ce que ça m'a orienté consciemment ou non? Je sais pas. Le fait est que c'est une voie que j'ai empruntée, donc on va penser que oui, ça existe. D'accord. Justement, concernant votre nom de scène, donc Lisbonne, donc qui s'écrit avec un seul N. Pourquoi avoir choisi ce nom de scène, Lisbonne? Alors Lisbonne, c'est un nom que je trouve déjà très très doux et très agréable à l'écoute. J'ai toujours aimé ce nom-là. Après, j'avais besoin de lui enlever son deuxième N pour pas être comparé à la capitale portugaise que nous connaissons tous. Mmh. Et puis surtout, histoire de le déféminiser un peu en lui ôtant un peu sa jupe. D'accord. Et ensuite, c'est un acronyme qui signifie libre individu sous la beauté opaque d'un nouvel exil. D'accord. Voilà, c'est une sorte d'haïku à la française. J'ai pas trouvé plus long. Ok. D'accord. Voilà, ça signifie ça. D'accord. Donc, on en a un petit peu parlé, mais on va un petit peu approfondir le sujet. Donc, j'aime beaucoup poser cette question également, question que j'ai empruntée à ma collègue Lia, donc que je salue et je suis sûr qu'elle ne m'en voudra pas. On en a un petit peu parlé, du coup, mais le petit Lisbonne, voulait-il faire carrière dans la musique depuis toujours ou était-ce avant tout un passe-temps, un hobby, une passion? Je crois que ça a toujours été une passion assez rapidement, quoi. C'est-à-dire que quand je disais... J'avais embrassé ce saxophone-là à l'âge de 12 ans. C'est vraiment quelque chose qui m'animait de l'intérieur, qui me nourrissait beaucoup. D'accord. Mais de là à m'imaginer, j'avais pas de rêve, pas d'ambition de carrière, vraiment. Mon seul but et objectif était de faire de la musique, pratiquer ça avec les amis ou les parents ou tout seul. Mais je rêvais pas du tout de notoriété ni de célébrité. C'est pas du tout quelque chose qui m'a nourri, ça. D'accord. En tout cas jeune. Ouais. Ok. Oui, donc c'est venu après vraiment ce besoin, cette envie d'être nourri par la musique. Ça c'est venu que, comme on disait tout à l'heure, avec vos années collège. Bien sûr. Oui, mais c'est l'idée était tout simplement de vivre de ma passion. Après, la célébrité et la notoriété, si elle vient, évidemment que je ne la bouderai pas et je l'accueillerai les bras ouverts. Mais c'est pas non plus une priorité pour moi. D'accord. Ok. Donc, on va se réintéresser du coup maintenant un peu plus à votre EP, donc du coup Lisbonne. Donc, il est sorti le 5 mars dernier. Il y a donc 10 jours tout pile. Mais votre single Michel, que nous avons écouté un peu plus tôt dans cette émission, est sorti un mois tout pile avant la sortie de votre EP, donc le 5 février. Donc quand vous avez enregistré votre titre Michel, aviez-vous déjà cette optique de l'intégrer dans un EP ou pourquoi pas dans un album? Oui, l'idée était, en tout cas il faisait partie intégrante du EP, ce titre-là. on voulait tout simplement le sortir un mois avant pour donner envie aux gens d'écouter le EP qui allait sortir un mois après. C'était un peu une sorte de teaser pour le EP, c'était ça l'idée. D'accord, oui, donc c'était vraiment pour donner envie aux gens d'écouter du coup votre EP tout simplement. Tout à fait, oui, oui. Donc avant de poursuivre, il est 14h presque 38, je vous propose de nous lancer dans une troisième fréquence, dans un troisième titre tiré toujours de votre EP bien sûr, et que nous écoutions le titre « De plus que moi », titre numéro 4 de votre EP, et du coup on se retrouve juste après donc du coup « De plus que moi » d'ici environ à peu près 3 minutes. Donc on s'écoute ça et on se retrouve dans 3 minutes. Tombe la pluie sous le vent, c'est ainsi, par ici, que j'attends une autre vie qui me lie, qui me prend, moi aussi, comme avant, au ciel. Retour sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio. Vous venez d'écouter De plus que moi de Lisbonne, tiré de son EP, éponyme. Nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Lisbonne, justement, qui est venu nous parler de son EP et de sa carrière. Ça va toujours ? Toujours présent. Ok, nickel. Donc pendant cette pause musicale, j'ai justement ma collègue Lia qui m'a rejoint dans le studio, car elle avait une petite question à vous poser. Donc voilà, elle va vous poser la question et puis... Je l'écoute. Salut Benoît, alias Lisbonne, comment ça va ? Très bien. Ouais, c'est super, merci beaucoup en tout cas d'être sur Radio Guémozo. Alors moi je me demandais, c'est toi qui écris tes textes ? Absolument, oui. Ok, c'est quoi qui t'inspire pour écrire ? Parce qu'il en faut de l'inspiration quand même. Ben oui, mais je crois que le monde est suffisamment riche pour pouvoir en puiser un peu partout. C'est vrai. Au quotidien. Donc non, je vais un peu chercher ça, ouais. Ce que je vis moi et puis ce que vivent les autres, qui me touchent de près ou de loin. Ouais. Ok, c'est quoi ton processus ? Est-ce que t'es comme ces artistes qui ont toujours un petit calepin ou leur téléphone à portée de main pour écrire tout ce qui passe par la tête, ou est-ce que tu te poses à un moment donné dans une pièce noire, sans bruit, les volets fermés? Je n'ai pas de volet chez moi, mais j'en avais, peut-être que je les fermerais. Ça doit être super embêtant, sans volet. Ben oui, imaginons tout ce que j'aurais pu écrire si j'avais des volets. Carrément, faut investir. Et si j'avais eu un calepin aussi, parce que j'en ai pas. Non, on va te faire un envoi, t'inquiète. C'est gentil. Non, j'ai pas, effectivement, ni calepin, ni rigo. En fait, je garde un peu tout dans ma tête. Je stocke ça sous le crâne. Et puis après, je prends ma guitare, puis je me pose de longues heures, la nuit ou le jour, ça dépend vraiment. Il n'y a pas de règles. Ok, t'as pas peur de la charge mentale, retenir tous ces mots comme ça dans ta tête? Disons que ça fait 36 ans que je vis avec ça, donc je suis un petit peu habitué, mais c'est vrai que c'est parfois un peu encombrant. Ouais. Une vraie gymnastique. Ça fait des nuits un peu courtes et un peu agitées parfois. Ouais. Donc du coup, toi, t'es plutôt à trouver tes textes avant et ensuite à mettre une mélodie dessus? Non, ça je sais pas faire, honnêtement. Parce qu'on m'a déjà proposé de m'envoyer des textes et de les mettre en musique. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal avec cet exercice-là. Moi, en général, les deux arrivent un peu au même moment. C'est-à-dire que j'ai des mélodies qui sortent avec des mots un peu forcément en yaourt au départ. Mais il y a des mots-clés qui vont sortir assez rapidement. Et de là, je vais m'orienter vers un thème ou un autre. Je fonctionne généralement comme ça. D'accord, ok. Est-ce qu'un jour, tu penses, ou est-ce que c'est déjà fait peut-être, et qu'on n'aurait pas vu cette info passer, est-ce que tu as déjà un clip pour l'un de tes sons? Pour l'un de tes sons, est-ce que tu as déjà clippé une de tes musiques? Ouais. Oui, j'en ai clippé deux. Okay. La reprise de Voyage, je l'ai tournée donc à la Grande Motte. Génial. Station balnéaire, pas loin de chez moi, à Montpellier. Ouais. C'était la station balnéaire de mon enfance, donc puis architecturalement c'est hyper intéressant, c'est très graphique comme, ouais, super. Comme endroit. Donc j'ai tourné ce clip là il y a quelques temps, et j'ai tourné un second clip pour le Vietnam sous la neige. Un film assez cinéma dans l'ambiance, un peu assez sombre, un peu enfumé, avec ma grand-mère. Bon, elle est toujours vivante. C'est génial. C'est génial. Faites tous participer vos grands-mères dans vos clips. Nous, on veut voir les mamies. Le confinement, ça t'a aidé à l'inspiration? Ça t'a aidé à construire ta musique, ou ça t'a fait faire un break? Alors, le premier confinement a été ultra, ultra prolifique pour moi. C'est-à-dire que j'ai écrit plein de nouvelles chansons. Je pense que voilà, le monde, la planète était à l'arrêt, donc c'était très très particulier ce qu'on était en train de vivre. Donc je crois qu'il y a une espèce de lâcher prise aussi, en disant de toute façon on va tous mourir, donc faire des chansons, enfin ce que j'aime, juste avant quoi, de partir. Donc non, honnêtement, ça a été très très créatif, une période très créative pour moi. Le second confinement, en revanche, un peu moins. C'est-à-dire que là, on avait une impression de redite et plus d'échéance, et de voilà. Le coup de massue a été beaucoup plus compliqué à encaisser. Oui. Donc ça a un peu anéanti ma créativité, mais bon, c'est rapidement revenu. Mais c'est vrai que ça a été plus dur le deuxième que le premier. Ouais. Bah oui, c'était pas un vrai confinement ce deuxième, là on savait pas trop ce qui se passait. C'était un peu compliqué. C'était un peu bâtard quand même. C'est ça. Bon, merci beaucoup Lisbonne d'avoir répondu à mes quelques questions. Je te souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à vous, c'est adorable. Merci. Merci. Bon ben voilà, vous avez eu le droit à une petite apparition de l'IA qui était là ce midi et qui est de nouveau là pour Fréquence Libre. Donc on la remercie une nouvelle fois pour ces quelques questions. Donc du coup, Lisbonne, même question que pour les deux autres pauses musicales. Y a-t-il un message que vous vouliez faire passer avec ce titre, De plus que moi, qu'on a écouté juste avant? Non, mais De plus que moi, c'est une chanson un peu classique dans le thème de post-rupture, quoi. C'est-à-dire les lendemains difficiles... de séparation, je crois que c'est juste ça, puis un peu la jalousie d'un éventuel amant qui vient s'injecter dans tout ça, mais ouais, c'est tout simplement le thème de la rupture amoureuse. D'accord. Qu'on connaît tous, malheureusement. Malheureusement, c'est vrai que là, c'est toujours douloureux une rupture, que ce soit une relation courte ou longue, la rupture est toujours plus ou moins douloureuse. Donc c'est vrai que c'est pas. Tout à fait. C'est pas forcément moins douloureux pour celui qui quitte. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, dans votre carrière, et pour cette EP donc éponyme, vous étiez entouré du label Hélice, et votre EP est distribué par le label Alter K. Donc, comment s'est passée la prise de contact et la relation avec ces différents labels pour enregistrer et distribuer votre EP ? Alors, avec Hélice, il s'avère que donc, c'était l'éditeur d'amis musiciens de Montpellier, donc avec qui je travaille, avec qui j'ai collaboré sur deux titres de leur précédent album. D'accord. Donc c'est comme ça que la rencontre s'est faite avec donc Gaël Châtelain, qui est donc l'éditeur en question d'Hélice Music. Et ensuite c'est lui qui est allé chercher des partenaires, donc comme Alter K pour la distribution numérique. Et voilà, des attachés de presse, une agence qui s'appelle VSCOM, qui est sur Paris aussi. Eh oui, VSCOM, qu'on connaît bien ici, à Radio Guémozo. Donc, pour reparler de votre vie et de votre carrière, donc en 1996, vous étiez sur Montpellier, vous avez fait de nombreuses choses, puis en 2007, vous étiez parti à Bruxelles, donc la capitale belge. En 2012, vous êtes parti sur Paris avant de revenir du côté de Montpellier en 2014. Donc, quel était l'objectif ou quels étaient les objectifs en allant dans ces différentes villes ? Alors, pour Bruxelles, l'objectif était de rejoindre ma petite copine de l'époque, tout simplement, et aussi se confronter à une autre ville, une autre culture que celle de Montpellier. Donc, c'était voilà, rencontrer les gens, partager ma musique avec d'autres. Je crois que c'était ça l'idée. Et puis voilà, le fait est que c'est un pays, une ville en tout cas, qui m'a énormément plu, donc dans laquelle je suis resté presque 5 ans. D'accord. Ensuite, bon, c'était voilà, le temps, le climat a fait son œuvre. Et voilà, qui suis issu du Sud, bon, c'était un peu trop compliqué, donc j'ai voulu rentrer un peu chez moi, retrouver le soleil, la famille et les amis. D'accord. Mais j'ai quand même fait une petite halte par Paris en pensant que ce serait une bonne idée pour mon moral. Et le fait est que non, ça a été très compliqué pour moi, étant donné que le soleil est encore plus absent. Et là, pour le coup, il est ni dans le ciel, ni dans le sourire des gens, contrairement à Bruxelles. D'accord. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai tenu. Un an et demi, et puis après je suis rentré à Montpellier et ça a été des retrouvailles assez parfaites. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que le soleil, le beau temps ou la pluie, le temps moins beau, ça joue. Il y a même si on le veut pas, il y a toujours une certaine influence sur notre morale. Donc c'est sûr que ça ne doit Bien pas sûr. Être forcément évident, surtout quand on est un créateur comme vous, qu'on est créatif, ça doit être même niveau inspiration, ça doit beaucoup jouer. Oui, forcément, ça influence. Oui, d'une façon ou d'une autre, ça influence notre écriture, notre musique. Voilà, comme j'en parlais à Lia tout à l'heure, c'est-à-dire que on se nourrit de ce qu'on vit, de ce qui nous entoure. Donc, forcément, le temps joue beaucoup. Eh oui. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Déjà, il est 14h50. Donc, j'avais une autre question que j'estime, ma foi, plutôt intéressante en toute humilité, bien sûr. Quand je reçois un ou une artiste dans mon émission, donc Fréquence Libre, j'aime beaucoup poser cette question. Si certains de nos auditeurs ou certaines de nos auditrices veulent se lancer dans la musique, et ce, quel que soit le style de musique, quels sont les conseils que vous leur donneriez ? Alors, les conseils pour se lancer, vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Pour se lancer dans la musique, avoir le courage de se lancer dans la musique. Bon, ben là, c'est vrai que la période est particulièrement délicate pour encourager quiconque de s'y aventurer. Honnêtement, je sais pas si je le ferai là, maintenant. D'accord. Mais en tout cas, non, ce que je pourrais dire, c'est que si c'est vraiment une passion et que ça vous anime de l'intérieur, il faut absolument y croire et mettre tout en œuvre pour arriver à cet objectif-là. Il faut s'acheter un peu de matos, un instrument, et puis pratiquer. Je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen que cela. Ouais. Et de la persévérance aussi, beaucoup de persévérance. Beaucoup, oui, beaucoup. Donc, avant de nous quitter, je voulais vous partager deux petites infos locales pour le Grand Est, car c'est important de soutenir tout ce qui se passe au niveau local, je trouve. Donc, première petite info locale, réalité augmentée et deepfake. Une sélection de jeux et applications sur tablette et console pour vous amuser avec votre propre trombine. Vous êtes-vous déjà vu en œuvre d'art? Vous aimeriez vous retrouver dans la peau de votre acteur ou actrice préférée le temps d'une scène? Eh bien, ça se passe le samedi 10 avril de 10h à midi à la médiathèque de Remiremont, située sur la place Jules Méline, 88 200 Remiremont, pour un public enfant âgé de 7 à 12 ans. C'est gratuit, mais bien sûr, sur réservation, au numéro 03 29 22 50 01. C'est une animation organisée dans le respect, évidemment, des règles sanitaires, le nombre de places étant limité à 6 participants maximum. Donc, tentez votre chance, il y a peut-être encore des places de disponibles. Et deuxième petite info locale, du concret pour moins de déchets avec le SICOVAD. On préfère vendre des composteurs que donner des leçons, on préfère les bêtes dans la basse-cour au discours bébête, on préfère nourrir des vers que vous gaver de prose. C'est autour de ces trois slogans que le SICOVAD veut aujourd'hui informer largement ses usagers sur les actions concrètes qu'il propose pour mieux gérer les déchets. Si le tri est désormais plus large grâce aux extensions de consignes, il est encore plus important de réduire les déchets. Donc avec cette campagne, l'idée du SICOVAD est de montrer qu'au-delà de grands discours, de textes ou de concepts plus ou moins faciles à appréhender, il y a des outils et actions extrêmement simples et efficaces, bien sûr, qui permettent d'agir. Globalement, un composteur sera toujours plus utile pour réduire les déchets que de grands discours. Alors le SICOVAD vous aide. Installation gratuite de sites de compostage collectif. Le principe du compostage collectif est de proposer gratuitement à des établissements ou des organismes collectifs une solution pour réduire les déchets de façon simple et conviviale. À ce jour, plus de 90 sites sont déjà en place sur notre territoire et implantés dans des résidences, établissements scolaires, entreprises ou logements collectifs, mais aussi des casinos, casernes de gendarmerie ou de pompiers. Donc le compostage collectif permet aussi de bénéficier de compost gratuit, favorise le lien social et vous fait agir concrètement pour le développement durable. Vente de composteurs individuels à prix réduit. Donc le SICOVAD vend à prix subventionné deux modèles de composteurs individuels, bois de 600 litres, 34 € et plastique 345 litres, 19 €. Rendez-vous donc sur www.sicovad.fr. Aide à l'acquisition de poulaillers ou lombricomposteurs. Le lombricompostage permet de composter ses déchets de cuisine, même quand on n'a pas de jardin. Le SICOVAD subventionne 70 € pour l'achat d'un lombricomposteur et sévère auprès de 50 familles de son territoire. Alléger le poids de sa poubelle ménagère grâce aux poules, c'est aussi possible. En 2021, le SICOVAD subventionne 80 € pour l'achat d'un poulailler sous justificatif d'achat, et ce, auprès de 100 familles de son territoire. Voilà, fin des petites infos locales. C'était, on va dire, beaucoup d'informations. Donc, on va conclure avec Lisbonne, du coup. Donc, vous êtes toujours là, oui? Je suis toujours là. Parfait. Oui. Donc, si nous voulons vous contacter pour vous manifester notre admiration ou pour obtenir des conseils, comment pouvons-nous faire? Alors, vous pouvez effectivement me joindre sur Instagram ou sur Facebook, donc sur Lisbonne officiel, L-I-S-B-O-N-E, tiré du bas officiel. Et sinon, sur mon Bandcamp aussi, lisbonne.bandcamp.com, tout simplement. D'accord. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure des projets futurs, donc il y a un album en préparation. Tout à fait, oui. Vous avez déjà à peu près une date de quand il va sortir ou pas du tout? C'est compliqué de fixer des échéances au vu du contexte, mais on aimerait bien sortir ça dans un an, je dirais, à peu près. Voilà, on verra si on peut tenir les délais ou non. D'accord. On va tout faire pour... D'accord, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite à 14h55? Bon, ben, nous souhaiter des concerts et du soleil, tout simplement. Je crois qu'on va pas aller chercher plus loin que ça. voilà. Surtout que les concerts, ça fait du bien au moral, de temps en temps. Ah ben oui, pour les musiciens et le public. Bien sûr. Donc, il est 14h56. Est-ce que vous avez un petit dernier mot à passer? Non, simplement dire que beaucoup apprécié cette interview, voilà. Je suis ravi de faire partie des ondes du Grand Est. Ma petite amie étant de Strasbourg, je trouve la dédicace rigolote. Ben, parfait, donc on salue votre petite amie, peut-être qu'elle nous écoute, ça serait bien. On l'embrasse. Voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Lisbonne d'avoir accepté notre invitation. D'ailleurs, merci à vous. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous reprends au téléphone juste après hors antenne. Très bien. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h. Et si vous voulez, on pourra vous envoyer le podcast via WeTransfer, si ça vous intéresse. Bien sûr. Donc, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Gemozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Guillaume Hans, qui sera là, pour nous parler du partenariat qu'il existe entre l'association AMI et la librairie de livres d'occasion Recyclivre, librairie située à Strasbourg, au 10 rue Louise Michel, 67 200 Strasbourg. En attendant, je vous laisse avec Gérard d'ici quelques minutes à 15h pour Salut les 60, pardon, émission dans laquelle il s'intéressera au duo des années 60, duo actif de 1957 à 1976 et de 1983 à 2014, duo appelé The Everly Brothers, qui était un duo composé, comme son nom l'indique, de deux frères. Donc merci de votre fidélité à Radio Gémozo. Et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle édition de Fréquence Libre. Donc salut et à demain.